En ce vendredi 23 octobre 2020, voici la lecture de deux textes en hommage à Samuel Paty. Le premier s'appelle « Je suis prof », il a été écrit par Pierre Thévagnan et il est paru le 22 octobre sur le site de « Les mots sont importants », LMSI. Et le second, paru le même jour, le 22 octobre, de Alexis Daillon, s'intitule « Toi qui m'appelles islamo-gauchiste, laisse-moi te dire pourquoi le lâche, c'est toi ». Et il est paru sur le blog de Alexis Daillon sur Mediapart. Je suis prof. Les lignes qui suivent ont été inspirées par la nouvelle atroce de la mise à mort de mon collègue Samuel Paty et par la difficile semaine qui s'en est suivie. En hommage à un enseignant qui croyait en l'éducation, en la raison humaine et en la liberté d'expression, elle propose une quinzaine de réflexions appelant, malgré l'émotion, à penser le présent et en débattre. Avec raison. Ces réflexions ne prétendent évidemment pas incarner la pensée de Samuel Paty, mais elles sont écrites pour lui, au sens où l'effort de pensée, de discernement, de nuance, de raison, a été fait en pensant à lui et pour lui rendre hommage. Continuer de penser librement, d'exprimer, d'échanger des arguments me paraît le meilleur des hommages. Il y a d'abord eu, en apprenant la nouvelle, l'horreur, la tristesse, la peur devant le crime commis, et des pensées pour les proches de Samuel Paty, ses collègues, ses élèves, toutes les communautés scolaires de France et, au-delà, toute la communauté des humains bouleversés par ce crime. Puis s'y est mêlée une rage causée par tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, et avant même d'en savoir plus sur les tenants et les aboutissants qui avaient mené au pire, se sont empressés de dégainer des kits théoriques tendant à minimiser l'atrocité du crime ou à dissoudre toute la responsabilité de l'assassin possiblement des assassins, dans des entités excessivement extensibles, que ce soit l'islamisation ou l'islamophobie, sans compter ceux qui instrumentalisent l'horreur pour des agendas qu'on connaît trop bien. Rétablissement de la peine de mort, chasse aux immigrés, chasse aux musulmans et musulmanes, il y a ensuite eu une peur, ou des peurs. En voyant repartir tellement vite et à une puissance 10, une forme de réaction gouvernementale qui a de longue date fait l'épreuve de son inefficacité contre la violence terroriste et de sa nocivité pour l'état du vivre ensemble et des droits humains. Au lieu d'augmenter comme il faut les moyens policiers pour enquêter plus et mieux qu'on ne le fait déjà, pour surveiller, remonter les filières bien ciblées et les démanteler, mais aussi assurer en temps réel la protection des personnes qui la demandent, au moment où elles la demandent, on fait du spectacle avec des boucs émissaires. Une sourde appréhension s'est donc mêlée à la peine, face au déferlement d'injures, de menaces et d'attaques islamophobes, anti-immigrés et anti-tchétchènes, qui a tout de suite commencé, mais aussi face à l'éventualité d'autres attentats qui pourraient advenir dans le futur, sur la prévention desquels, c'est le moins que je puisse dire, toutes les énergies gouvernementales ne me semblent pas concentrées. Trois. Puis au fil des lectures, c'est une gêne qui s'est installée concernant ce que, sur les réseaux sociaux, je pouvais lire dans mon camp, entre guillemets, cette fois-ci. C'est-à-dire principalement chez des gens dont je partage plus ou moins une certaine conception du combat antiraciste. Ce qui tout d'abord m'a gêné fut le fait d'énoncer tout de suite des analyses explicatives alors qu'au fond on ne savait à peu près rien sur le détail des faits. Quel comportement avait eu précisément Samuel Paty en montrant quels dessins, quelles interactions avaient eu lieu après coup avec les élèves, avec les parents, qui avaient protesté en quels termes, sous quelle forme, qui avaient envenimé le contentieux et comment s'était produit l'embrasement des réseaux sociaux. Et enfin, quel était le profil de l'assassin, quel était son vécu russe, tchétchène, français, son vécu dans toutes ses dimensions, familiales, socio-économiques, scolaires, médicales, sa sociabilité et ses accointances, ou absence d'accointances, religieuses, politiques, délinquantes, terroristes. J'étais gêné par le fait que soit souvent validé a priori, dès les premières heures qui suivirent le crime, l'hypothèse que Samuel Paty avait déconné. Alors qu'on n'était même pas certain, par exemple, que c'était le dessin dégoûtant du prophète Cunu, j'y reviendrai, qui avait été montré en classe. Puisqu'on lisait aussi que le professeur avait déposé plainte pour diffamation suite aux accusations proférées contre lui. Et qu'on ne savait à rien des conditions de la manière dont il avait agencé son cours. 4. Par ailleurs, dans l'hypothèse, qui a fini par se confirmer, que c'était bien ce dessin, effectivement problématique, j'y reviendrai, qui avait servi de déclencheur ou de prétexte pour la campagne contre Samuel Paty, autre chose me gênait. D'abord, cet oubli. Montrer un dessin, aussi problématique soit-il, obscène, grossier, de mauvais goût, ou même raciste, peut très bien s'intégrer dans une démarche pédagogique, particulièrement en cours d'histoire. Après tout, nous montrons bien des caricatures anti-juives ignobles quand nous étudions la montée de l'antisémitisme, me confie un collègue historien. Et cela ne constitue évidemment pas en soi une pure et simple perpétuation de l'offense raciste. Les deux cas sont différents par bien des aspects, mais dans tous les cas, tout se joue dans la manière dont les documents sont présentés et ensuite collectivement commentés, analysés, critiqués. Or, sur la dite manière, en l'occurrence, nous sommes restés longtemps sans savoir ce qui exactement s'était passé. Et ce que nous avons fini par apprendre est que Samuel Paty n'avait pas eu d'intention maligne. Il s'agissait vraiment de discuter de la liberté d'expression autour d'un cas particulièrement litigieux. 5. En outre, s'il s'est avéré ensuite, dans les récits qui ont pu être reconstitués, notamment dans Libération, que Samuel Paty n'avait fait aucun usage malveillant de ses caricatures, et que les parents d'élèves qui s'étaient au départ inquiétés l'avaient assez rapidement et facilement compris après discussion, s'il s'est avéré aussi qu'au-delà de cet épisode particulier, Samuel Paty était un professeur très impliqué et apprécié, chaleureux, blagueur, il est dommage que d'emblée, il n'ait pas été martelé ceci. Eh bien, par des inconditionnels de l'esprit Charlie, aussi bien que par les personnes légitimement choquées par certaines de ses caricatures. Que même dans le cas contraire, même si le professeur avait déconné, que ce soit un peu ou beaucoup, que même s'il avait manqué de précautions pédagogiques, que même s'il avait intentionnellement cherché à blesser, bref, que même s'il avait été un mauvais prof, entre guillemets, hautain, fumiste ou même raciste, rien, absolument rien ne justifiait ce qui a été commis. Je me doute bien que dans la plupart des réactions à chaud, cela allait sans dire, Mais je pense que dans le monde où l'on vit et où se passent ces horreurs, tout désormais en la matière, je veux dire, en matière de mise à distance de l'hyperviolence, tout doit être dit partout, même ce qui va sans dire. En d'autres termes, même si l'on juge nécessaire de rappeler à l'occasion de ce crime et des discussions qu'il relance, qu'il est bon que tout ne soit pas permis en matière de liberté d'expression, cela n'est selon moi tenable que si l'on y adjoint un autre rappel, qu'il est bon aussi que tout ne soit pas permis dans la manière de le limiter, de limiter la liberté d'expression, dans la manière de réagir au discours offensant, et plus précisément, que doit être absolument proscrit le recours à la violence physique, a fortiori le meurtre. Nous sommes malheureusement en un temps, je le répète, où cela ne va plus sans dire. VI. La remarque qui précède est, me semble-t-il, le grand non-dit qui manque le plus dans tout le débat public tel qu'il se polarise depuis des années entre les Charlie inconditionnels de la liberté d'expression et les pas Charlie soucieux de poser des limites à la liberté d'offenser. Ni la liberté d'expression ni sa nécessaire limitation ne doivent en fait être posées comme l'impératif catégorique et fondamental. Les deux sont plaidables, mais dans un espace de parole soumis à une autre loi fondamentale sur laquelle tout le monde pourrait et devrait se mettre d'accord au préalable, et qui est le refus absolu de la violence physique. Moyennant quoi, dès lors que cette loi fondamentale est respectée et expressément rappelée, la liberté d'expression à laquelle Samuel Paty était si attaché peut et doit impliquer aussi le droit de dire qu'on juge certaines caricatures de Charlie Hebdo odieuses. Celle, par exemple, qui amalgame le prophète des musulmans et donc, par une inévitable association d'idées, l'ensemble des fidèles qui le vénèrent, à un terroriste en le figurant par exemple surarmé, le nez crochu, le regard exorbité, la mine patibulaire ou coiffé d'un turban en forme de bombe. Celle également qui blesse gratuitement les croyants, et les croyants lambda, tolérants, non-violents, tout autant, voire davantage, que les djihadistes avides de prétextes à faire couler le sang. En présentant leur prophète cul nu, testicule à l'air et une étoile musulmane à la place de l'anus. Celle qui animalise une syndicaliste musulmane voilée en l'affublant d'un faciès de singe. Celle qui représente la joueuse roumaine Simona Halep, gagnante de Roland-Garros, en Rome au physique disgracieux, brandissant la coupe et en criant « Ferraille, ferraille !» Celle qui nous demande d'imaginer le petit Aylan, enfant de migrants kurdes retrouvés morts en Méditerranée, s'il avait survécu, et nous le montre devenu tripoteur de fesses en Allemagne, suite à une série de viols commis à Francfort. Celle qui représente les esclaves sexuels de Boko Haram, voilées et enceintes en train de gueuler après leurs allocs. Celle qui fantasme une invasion ou une islamisation en forme de grand remplacement, par exemple en nous montrant un musulman barbu dont la barbe démesurée envahit toute la page de une, malgré un minuscule Macron luttant contre le séparatisme armé de ciseaux, mais ne parvenant qu'à en couper que quelques poils. Celle qui alimente le même fantasme d'invasion, en figurant un Macron déclarant que le port du foulard par des femmes musulmanes ne le regarde pas en tant que président, tandis que le reste de la page est occupé par des femmes voilées avec une légende digne d'un tract d'extrême droite, la République islamique en marche. Sur chacun de ces dessins, publiés en une pour la plupart, je pourrais argumenter en détail pour expliquer en quoi je les juge odieux et souvent racistes. Bien d'autres exemples pourraient d'ailleurs être évoqués, comme une couverture publiée à l'occasion d'un attentat meurtrier commis à Bruxelles en mars 2016 et revendiqué par Daesh, ayant entraîné la mort de 32 personnes et fait 340 blessés, et figurant de manière pour le moins choquante le chanteur Stromae, orphelin du génocide rwandais, en train de chanter « Papa Outé », tandis que voltigent autour de lui des morceaux de jambes et de bras déchiquetés ou un œil exorbité. La liste n'est pas exhaustive. D'autres unes pourraient être évoquées, celles notamment qui nous invitent à rigoler, et tenter de dire ricaner, sur le sort des femmes violées, des enfants abusés ou des peuples qui meurent de faim. On a le droit de détester cet humour, on a le droit de considérer que certaines de ces caricatures incitent au mépris ou à la haine raciste ou sexiste, entre autres griefs possibles. Et on a le droit de le dire. On a le droit de l'écrire, on a le droit d'aller le dire en justice et même en manifestation. Mais, cela allait sans dire, l'attentat de janvier 2015 oblige désormais à l'énoncer expressément, quel que soit tout le mal qu'on peut penser de ces dessins, que leur brutalité, leur indélicatesse, leur méchanceté gratuite envers les gens souvent démunis, de leur racisme parfois, la violence symbolique qu'ils exercent est sans commune mesure avec la violence physique extrême que constitue l'homicide, et elle ne saurait donc lui apporter le moindre commencement de justification. On a en somme le droit de dénoncer avec la plus grande vigueur la violence symbolique des caricatures quand on la juge illégitime et nocive, car elle l'est peut-être, car elle peut l'être, à condition toutefois de dire désormais ce qui, je le répète, aurait dû continuer d'aller sans dire, mais va beaucoup mieux désormais, en le disant, qu'aucune violence symbolique ne justifie l'hyperviolence physique. Cela vaut pour les pires dessins de Charlie, comme pour les pires répliques de Zemmour ou d'un Dieudonné, comme pour tout ce qui nous offense, du plus douteux au plus parfaitement abject. Que reste-t-il en effet de la liberté d'expression si l'on défend le droit à la caricature ? Mais pas le droit à la critique des caricatures. Que devient le débat démocratique si toute critique radicale de Charlie aujourd'hui, et qui sait de Zemmour demain, de Macron après-demain, est d'office assimilée à une incitation à la violence, donc à de la complicité de terrorisme, donc proscrite. Mais inversement, que devient cet espace démocratique si la dénonciation de l'intolérable et l'appel à le faire cesser ne sont pas précédés et tempérés par le rappel clair et explicite de l'interdit fondamental du meurtre? Autre chose m'a gênée dans certaines analyses. L'interrogation sur les vrais responsables, formulation qui laisse entendre que derrière un responsable apparent, assassin, il y aurait les vrais responsables, qui seraient d'autres que lui. Or, s'il me paraît bien sûr nécessaire d'envisager, dans toute sa force et toute sa complexité, l'impact des déterminismes sociaux, il est problématique de dissoudre dans ses déterminismes toute la responsabilité individuelle de ce jeune de 18 ans, que la sociologie ne fait pas, contrairement à ce que prétendent certains polémistes, mais que certains discours peuvent parfois faire. Que chacun s'interroge toujours sur sa possible responsabilité est plutôt une bonne chose à mes yeux, si toutefois on ne pousse pas le zèle jusqu'à un « on est tous coupables » qui dissout toute culpabilité réelle et arrange les affaires des principaux coupables. Ce qui m'a gêné, c'est l'enchaînement de questions qui, en réponse à la question « qui a tué ?», met comme en concurrence, à égalité, d'une part celui qui a effectivement commis le crime, et d'autre part, d'autres personnes ou groupes sociaux, la direction de l'école, la police, le père de l'élève ayant lancé la campagne publique contre Samuel Paty sur YouTube, sa fille qui semble l'avoir induit en erreur sur le déroulement de ses cours, qui, quel que soit leur niveau de responsabilité, n'ont en aucun cas tué. La distinction peut paraître simpliste, voire simpliste, mais me paraît pour ma part crucial à maintenir. Huit. Ce qui m'a gêné aussi et même écœuré lorsque l'oubli était assumé, c'est que le système néolibéral et islamophobe devenait le principal responsable, voire l'ennemi qu'il nous faut combattre au singulier. Ce fut une absence dans la liste des personnes ou des groupes sociaux pouvant, au-delà de l'individu Abdullah Abduyezidovitch, désolé si j'écorche le nom, se partager une part de responsabilité. Ce qui me gêna fut l'oubli ou la minoration du rôle de l'entourage plus ou moins immédiat du tueur, qu'il s'agisse d'un groupe terroriste organisé ou d'un groupe plus informel de proches ou de moins proches via les réseaux sociaux. Sans oublier, bien entendu, l'acolyte de l'irresponsable père en colère, un certain Abdelrahim Sefrioui, entrepreneur de haine pourtant bien connu, démasqué et ostracisé de longue date dans les milieux militants, à commencer par les milieux pro-palestiniens et la militance anti-islamophobie. Je connais les travaux sociologiques qui critiquent à juste titre l'approche mainstream, focalisée exclusivement sur les techniques de propagande des organisations terroristes et qui déplace la focale sur l'étude des conditions sociales, rendant audible et efficace les dites techniques de propagande. Mais justement, on ne peut prendre en compte ces conditions sociales sans observer aussi comment elles pèsent d'une façon singulière sur les individus dont la responsabilité n'est pas évacuée. Et l'on ne peut pas écarter, notamment, la responsabilité des individus ou des groupes d'engraineurs, surtout si l'on pose la question en ces termes, qui a tué ? Le temps du choc, du deuil et de l'amertume contre mon propre camp fut cela dit parasité assez vite par un vacarme médiatique assourdissant, charriant son lot d'infamie dans des proportions autrement plus terrifiantes. Samuel Gontier, dans Fidèle au poste chez Télérama, en a donné un aperçu glaçant. Des panels politiques dans lesquels l'équilibre entre guillemets invoqué par le présentateur, Pascal Pro, consiste en un trio droite, droite extrême et extrême droite, République en marche, les Républicains et le Rassemblement national, et où les différentes familles de la gauche, Vert, PS, PCF, France Insoumise, sans même parler de l'extrême gauche, sont tout simplement exclues. Des débats où sont mis sérieusement à l'agenda l'expulsion de toutes les femmes portant le foulard, la déchéance de nationalité pour celles qui seraient françaises, la réouverture des bagnes dans les îles Kerguelen, le rétablissement de la peine de mort et enfin la criminalisation de toutes les idéologies musulmanes conservatrices, pas seulement le djihadisme mais aussi l'islamisme, un peu comme si à la suite des attentats des Brigades Rouges, de la faction Armée Rouge ou d'Action Directe, on avait voulu criminaliser et donc interdire et dissoudre toute la gauche socialiste, communiste, écologiste ou radicale, sous prétexte qu'elle partageait avec des groupes terroristes l'opposition au capitalisme. Des plateaux sur lesquels un Manuel Valls peut appeler en toute conscience et en toute tranquillité, sans causer de scandale, à piétiner la Convention européenne des droits humains. Citation. S'il nous faut, dans un moment exceptionnel, s'éloigner du droit européen, faire évoluer notre constitution, il faut le faire. Je l'ai dit en 2015, nous sommes en guerre, si nous sommes en guerre, donc il faut agir et frapper. Fin de la citation. Puis, très vite, il y a eu cette offensive du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, contre le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, dénué de tout fondement du point de vue de la lutte antiterroriste, puisque l'association n'a évidemment pris aucune part dans le crime du 17 octobre 2020, ni même dans la campagne publique sur YouTube et Twitter qui y a conduit. Cette dénonciation, proprement calomnieuse donc, s'est autorisée en fait d'une montée en généralité, en abstraction et même en nébulosité et d'un grossier sophisme. Le meurtre de Samuel Paty est une atteinte aux valeurs et aux institutions de la République que justement le CCIF combat aussi, moyennant quoi le CCIF a quelque chose à voir avec ce crime et il doit donc être dissous. CQFD. L'accusation n'en demeure pas moins fantaisiste autant qu'infamante, puisque le combat de l'association, loin de viser les principes et les institutions républicaines en tant que telles, vise tout au contraire leur manque d'effectivité. Toute l'activité du CCIF, c'est vérifiable sur le site de l'association aussi bien que dans les rapports des journalistes au fil de l'actualité depuis des années, consiste à combattre la discrimination en raison de l'appartenance ou de la pratique réelle ou supposée d'une religion, donc à faire appliquer une loi de la République. Le CCIF réalise ce travail par les moyens les plus républicains qui soient, en rappelant l'état du droit, en proposant des médiations ou en portant devant la justice, institution républicaine s'il en est, des cas d'atteinte au principe d'égalité, principe républicain s'il en est. Ce travail fait donc du CCIF une institution précieuse, en tout cas dans une république démocratique, qu'on appelle un contre-pouvoir. D'autres termes, un ennemi de l'arbitraire d'État et non de la République. Son travail d'alerte contribue même à sauver la dite République, d'elle-même pourrait-on dire, ou plutôt de ses serviteurs défaillants et de ses démons, que sont le racisme et la discrimination. Il s'est rapidement avéré, du coup, que cette offensive, sans rapport réel avec la lutte antiterroriste, s'inscrivait en fait dans un tout autre agenda dont on avait connu les prémices dès le début du mandat d'Emmanuel Macron, dans les injures violentes et les tentatives d'interdiction de Jean-Michel Blanquer contre le syndicat Sud Éducation, plus récemment dans l'acharnement haineux du député Robin Reda, censé diriger une audition parlementaire antiraciste contre des associations de soutien aux immigrés, et notamment le GISTI, le groupe d'information et de soutien aux immigrés. Cet agenda n'est ni plus ni moins que la mise hors jeu des corps intermédiaires de la société civile, et en premier lieu des contre-pouvoirs que sont les associations antiracistes et de défense des droits humains, ainsi que les syndicats, en attendant le tour des partis politiques, confrères. Déjà la brutalisation du débat politique, et notamment les attaques à tout à fait inouïes, contraires pour le coup à la tradition républicaine, de Gérald Darmanin contre les écologistes, Julien Bayrou, Sandra Rigol et Esther Benbassa, contre la France insoumise et son supposé islamo-gauchisme qui a détruit la République ces dernières semaines, donc avant le meurtre de Samuel Paty. Un agenda dans lequel figure aussi, on vient de l'apprendre, un combat judiciaire contre le site d'information Mediapart. 11. Il y a eu ensuite l'annonce de ces actions coup de poing contre des associations et des lieux de culte musulmans dont le ministre de l'Intérieur lui-même a admis qu'elles n'avaient aucun lien avec l'enquête sur le meurtre de Samuel Paty, mais qu'elles servaient avant tout à adresser un message afin que la sidération change de camp. L'aveu est terrible. L'heure n'est pas à la défense d'un modèle démocratique, libéral, fondé sur l'état de droit et ouvert à la pluralité des opinions, contre un autre, obscurantiste, fascisant, fondé sur la terreur, mais à une rivalité mimétique. À la terreur, on répond par la terreur, sans même prétendre, comme le fit naguère un Charles Pasqua, qu'on va terroriser les terroristes. Ce que l'on va terroriser ne sont pas les terroristes, on le sait, on le dit, on s'en contrefout, et on répond au meurtre par la bêtise et la brutalité, à l'obscurantisme religieux par l'obscurantisme civil, au chaos de l'hyperviolence par le chaos de l'arbitraire d'État. XII. On cible donc des mosquées alors même qu'on apprend, notamment dans la remarquable enquête de Jean-Baptiste Naudet dans l'Obs, que le tueur ne fréquentait aucune mosquée, ce qui était déjà le cas de bien d'autres tueurs lors de précédents attentats. On s'attaque au séparatisme et au repli communautaire, alors même qu'on apprend, dans la même enquête, que le tueur n'avait aucune attache ou sociabilité dans sa communauté, ce qui, là encore, a souvent été le cas dans le passé. On préconise des cours intensifs de catéchisme laïque dans les écoles, des formations intensives sur la liberté d'expression avec distribution de caricatures dans tous les lycées, alors que le tueur était déscolarisé depuis un moment et n'avait commencé à se radicaliser qu'en dehors de l'école. Et là encore se rejoue un schéma déjà connu. Il se trouve qu'un des tueurs du Bataclan fut élève dans l'établissement où j'exerce, un élève dont tous les professeurs se souviennent comme d'un élève sans histoire et dont la famille n'a pu observer des manifestations de radicalisation qu'après son bac et son passage à l'université, une fois qu'il était entré dans la vie professionnelle. Et enfin, ultime protection, Gérald Darmanin songe à réorganiser les rayons des supermarchés. Il y aurait matière à rire si il n'y avait pas péril en la demeure. On pourrait s'amuser d'une telle absurdité, d'une telle incompétence, d'une telle disjonction entre la fin et les moyens, si l'enjeu n'était pas si grave. On pourrait sourire devant les gesticulations martiales d'un ministre qui avoue lui-même tirer à côté des véritables coupables et complices. Lorsque, par exemple, il ordonne des opérations contre des institutions musulmanes sans lien avec l'enquête, on pourrait sourire s'il ne venait pas de se produire une attaque meurtrière atroce qui advient après plusieurs autres, et s'il n'y avait pas lieu d'être sérieux, raisonnable, concentré sur quelques objectifs bien définis, mieux surveiller, repérer, voir venir, mieux prévenir, mieux intervenir dans l'urgence, mieux protéger. On pourrait se payer le luxe de se disperser et de discuter des tenues vestimentaires ou des rayons de supermarché s'il n'y avait pas des vies humaines en jeu. Certes pas la vie de nos dirigeants, surprotégés par une garde rapprochée, mais celle, notamment, des professeurs et des élèves. Cette futilité, cette frivolité, cette bêtise serait moins coupable s'il n'y avait pas aussi un gros soubassement de violence islamophobe. Cette bêtise serait innocente, elle ne porterait pas à conséquence si les mises en débat du vêtement ou de l'alimentation des diverses communautés religieuses n'étaient pas surdéterminées depuis longues années par de très lourds et très violents stéréotypes racistes. On pourrait causer lingerie et régime alimentaire si les us et coutumes religieux n'étaient pas des stigmates surexploités par les racistes de tout poil, si le refus du port ou de l'alcool, par exemple, ou bien le port d'un foulard n'était pas depuis des années des motifs récurrents d'injures, d'agressions, de discriminations dans les études ou dans l'emploi. Il y a donc une bêtise insondable dans cette mise en cause absolument hors sujet des commerces ou des rayons d'alimentation communautaire qui, dixit Darmanin, flatteraient les plus bas instincts, alors que, confère toujours l'excellente enquête de Jean-Baptiste Naudet dans l'Obs, l'homme qui a tué Samuel Paty, l'ensemble des précédents auteurs d'attentats meurtriers, n'avaient précisément pas d'ancrage dans une communauté, ni dans l'immigration tchétchène, ni dans la communauté religieuse localisée, puisqu'ils ne fréquentaient aucune mosquée. Et il y a, dans cette bêtise, une méchanceté tout aussi insondable. Un racisme sordide, à l'encontre des musulmans, bien sûr, mais pas seulement, il y a aussi un mépris, une injure, un piétinement de la mémoire des morts juifs, puisque parmi les victimes récentes des tueries terroristes, il y a précisément des clients d'un commerce communautaire, hyper-cachère, choisi pour cible, et tué précisément en tant que tel. Telle est la vérité cruelle qui vient d'emblée s'opposer aux élucubrations de Gérald Darmanin. En incriminant les modes de vie communautaires, et plus précisément la fréquentation des lieux de culte ou de commerce communautaire, le ministre stigmatise non pas les coupables de la violence terroriste, qui se caractérise au contraire par la solitude, l'isolement, le surf sur Internet, l'absence d'attache communautaire et de pratiques religieuses assidues, l'absence en tout cas de fréquentation de lieux de culte, mais bien de certaines de ses victimes, des fidèles attaqués sur leur lieu de culte ou de course. Puis, quelques jours à peine après l'effroyable attentat, sans aucune concertation sur le terrain, auprès de la profession concernée, est tombée par voie de presse, comme d'habitude, une stupéfiante nouvelle. l'ensemble des conseils régionaux de France a décidé de faire distribuer un recueil de caricatures, on ne sait pas lesquelles, dans tous les lycées. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, disait la chanson. Qu'ils aillent donc, ces élus, distribuer eux-mêmes leur petite Bible républicaine sur les marchés. Mais non. C'est notre sang à nous, petits profs de merde, méprisés, sous-payés, insultés depuis des années, qui doit couler, a-t-il été décidé en haut lieu. Et possiblement aussi celui de nos élèves. Car il faut se rendre à l'évidence. Si cette information est confirmée, et si nous acceptons ce rôle de héros et martyrs d'un pouvoir qui joue aux petits soldats de plomb avec les profs et les élèves de chair et d'os, nous devenons officiellement la cible privilégiée des groupes terroristes. À un ennemi qui ne fonctionne dans ses choix de cible et dans sa communication politique qu'au défi, au symbole et à l'invocation de l'honneur du prophète, nos dirigeants répondent en toute irresponsabilité par le défi, le symbole et la remise en jeu de l'image du prophète. À quoi doit-on s'attendre? Y sommes-nous prêts? Moi, non. Comme si tout cela ne suffisait pas, voici enfin que le leader de l'opposition à de gauche, celui dont on pouvait espérer, au vu de ses engagements récents, quelques mises en garde élémentaires mais salutaires contre les amalgames et la stigmatisation haineuse des musulmans, il n'en finit pas de nous surprendre, ou plutôt de nous consterner, de nous horrifier, puisqu'il s'oppose effectivement à la chasse aux musulmans, mais pour nous inviter aussitôt à une autre chasse, la chasse aux Tchétchènes. Moi, je pense qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène en France. Il suffit donc de deux crimes commis tous les deux par une personne d'origine tchétchène ces dernières années, l'attentat de l'Opéra en 2018 et celui de Conflans en 2020, plus d'une méga rixe à Dijon cet été impliquant quelques dizaines de Tchétchènes, pour que notre homme de gauche infère tranquillement un problème tchétchène impliquant toute une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes vivant en France. Ils sont arrivés en France car le gouvernement français, qui était très hostile à Vladimir Poutine, les accueillait à bras ouverts, nous explique Jean-Luc Mélenchon. À bras ouverts donc, comme dans un discours de Le Pen, le père ou la fille. Et on l'a bien entendu. Le motif de l'asile est une inexplicable hostilité de la France contre le pauvre Poutine, et certainement pas une persécution sanglante, commise par ledit Poutine, se déclarant prêt à aller buter lesdits Tchétchènes jusque dans les chiottes. Il y a sans doute de très bonnes personnes dans cette communauté, finit-il par concéder à son intervieweur interloqué. On a bien lu, là encore, sans doute, ce n'est même pas sûr. Et de très bonnes personnes, ce qui revient à dire en bon français, quelques-unes, pas des masses. Mais c'est notre devoir national de s'en assurer, s'empresse-t-il d'ajouter. Donc même le « sans doute » n'aura pas fait long feu. Et pour finir, en apothéose, il faut reprendre un par un tous les dossiers des Tchétchènes présents en France et tous ceux qui ont une activité sur les réseaux sociaux, comme c'était le cas de l'assassin, ou d'autres qui ont des activités dans l'islamisme politique, qui doivent être capturés et expulsés. Là encore, on a bien lu tous les dossiers tchétchènes présents en France, un par un. Quant aux suspects, ils ne seront pas interpellés ni arrêtés, mais capturés. Le vocabulaire est celui de la chasse, du safari. Voici donc où nous mène le chef du principal parti d'opposition de gauche. XVI. Enfin, quand on écrira l'histoire de ces temps obscurs, il faudra aussi raconter cela. Comment, à l'heure où la nation était invitée à s'unir dans le deuil, dans la défense d'un modèle démocratique, dans le refus de la violence, une violente campagne de presse et de tweets fut menée pour que soient purement et simplement virés et remplacés les responsables de l'Observatoire de la laïcité, Nicolas Cadenne et Jean-Louis Bianco, pourtant restés toujours fidèles à l'esprit et à la lettre des lois laïques, et que les deux hommes furent, à cette fin, accusés d'avoir désarmé la République et de s'être mis au service des ennemis de la dite laïcité et de la dite République, en somme, d'être les complices d'un tueur de prof, puisque c'est de cet ennemi-là qu'il était question. Il est intégré à ce texte, à cet endroit-là, un retweet de Manuel Valls, remerciant Caroline Fourest, qui dénonce à Jean-Louis Bianco. Il faudra raconter que des universitaires absolument irréprochables sur ces questions, comme Mam Fatou Nyang et Eri Fassin, furent mis en cause violemment par des tweeters. L'une en recevant d'abjectes vidéos de décapitation, l'autre en recevant des menaces de subir la même chose, avec dans les deux cas l'accusation d'être responsable de la mort de Samuel Paty. Il faudra se souvenir qu'un intellectuel renommé, invité sur tous les plateaux, proférera tranquillement, là encore sans être recadré par les animateurs, le même type d'accusation à l'encontre de la journaliste et chroniqueuse Rokia Diallo en critiquant Charlie Hebdo. Elle aurait poussé à armer le bras des tueurs et entraîné la mort des 12 de Charlie Hebdo. Il faudra se souvenir qu'au sommet de l'État, enfin, en ces temps de deuil, de concorde nationale, et de combat contre l'obscurantisme, le ministre de l'Éducation nationale lui-même attisa ce genre de mauvaise querelle et de mauvais procès, c'est un euphémisme, en déclarant notamment ceci. Ce qu'on appelle islamo-gauchisme fait des ravages, il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand l'UNEF cède à ce type de choses, il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont de ce courant-là et s'affichent comme tels, ces gens-là favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène au pire. Il faudra raconter ce que ces sophismes et ces purs et simples mensonges ont construit ou tenté de construire. Un consensus national fondé sur une rage aveugle plutôt que sur un deuil partagé et un plus jamais ça sincère et réfléchi. Un consensus singulièrement diviseur en vérité, excluant de manière radicale et brutale tous les contre-pouvoirs humanistes et progressistes qui pourraient tempérer la violence de l'arbitraire d'État et apporter leur contribution à l'élaboration d'une riposte antiterroriste pertinente et efficace. Le mouvement antiraciste, l'opposition de gauche, la sociologie critique, et incluant, en revanche sans le moindre état d'âme, une droite républicaine radicalisée comme jamais, ainsi que l'extrême droite lepéniste. Je ne sais comment conclure, sinon en redisant mon accablement, ma tristesse, mon désarroi, ma peur. Pourquoi le cacher? Et mon sentiment d'impuissance face à une brutalisation en marche. La brutalisation de la vie politique s'était certes enclenchée bien avant ce crime atroce. L'évolution du maintien de l'ordre pendant tous les derniers mouvements sociaux en témoigne, et les noms de Lallement et de Benalla en sont de bons emblèmes. Mais cet attentat, comme les précédents, nous fait évidemment franchir un cap dans l'horreur. Quant à la réponse à cette horreur, elle s'annonce désastreuse et, loin d'opposer efficacement à la force, la force à la force qui peut se faire mais suppose le discernement, elle rajoute de la violence aveugle à de la violence aveugle, tout en nous exposant et nous fragilisant comme jamais. Naïvement, avec sans doute un peu de cet idéalisme qui animait Samuel Paty, j'en appelle au sursaut collectif et à la raison. Pour reprendre un mot d'ordre apparu suite à ce crime atroce, je suis prof. Je suis prof au sens où je me sens solidaire de Samuel Paty, où sa mort me bouleverse et me terrifie, mais je suis prof aussi parce que c'est tout simplement le métier que j'exerce. Je suis prof. Et je crois donc en la raison, en l'éducation, en la discussion. Depuis 25 ans, j'enseigne avec passion la philosophie et je m'efforce de transmettre le goût de la pensée, de la liberté de penser, de l'échange d'arguments, du débat contradictoire. Je suis prof et je m'efforce de transmettre ces belles valeurs complémentaires que sont la tolérance, la capacité d'indignation face à l'intolérable et la non-violence dans l'indignation et le combat pour ses idées. Je suis prof et depuis 25 ans, je m'efforce de promouvoir le respect et l'égalité de traitement contre tous les racismes, tous les sexismes, toutes les homophobies, tous les systèmes inégalitaires. Et je refuse d'aller mourir au front pour une croisade prétendument républicaine menée par un ministre de l'Intérieur qui a commencé sa carrière politique entre 2004 et 2008 dans le giron de l'extrême droite monarchiste auprès de Christian Van Est et de Politique Magazine, l'organe de l'Action française. Je suis prof et je refuse de sacrifier tout ce en quoi je crois pour la carrière d'un ministre qui, en 2012 encore, militait avec acharnement aux côtés de la Manif pour tous, pour que des homosexuels n'aient pas les mêmes droits que les autres. Sans parler de son rapport aux femmes pour le moins problématique, et de ce que notre grand républicain appelle, en un délicat euphémisme, sa vie de jeune homme. Je suis prof et j'enseigne la laïcité, la vraie, celle qui s'est incarnée dans de belles lois en 1881, 1882, 1886 et 1905, et qui n'est rien d'autre qu'une machine à produire plus de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais ce n'est pas cette laïcité, loin s'en faut, qui se donne à voir ces jours-ci, moins que jamais, quand bien même le mot est répété à l'infini. C'est au contraire une politique liberticide, discriminatoire et donc inégalitaire, suspicieuse ou haineuse plutôt que fraternelle, que je vois se mettre en place, sans même l'excuse de l'efficacité face au terrorisme. Je suis prof et cette vraie laïcité, ce goût de la pensée et de la parole libre, je souhaite continuer de les promouvoir. Et je souhaite pour cela rester en vie. Et je souhaite pour cela rester libre, maître de mes choix pédagogiques, dans des conditions matérielles qui permettent de travailler. Et je refuse donc de devenir l'otage d'un costume de héros ou de martyr taillé pour moi par des aventuriers. Excusez-moi, j'aurais. Je suis désolée. J'ai cru que je réussirais à aller jusqu'au bout sans tousser, mais pardon, je vais reprendre ce dernier paragraphe. Je suis prof. Et cette vraie laïcité, ce goût de la pensée et de la parole libre, je souhaite continuer de les promouvoir. Et je souhaite pour cela rester en vie. Et je souhaite pour cela rester libre, maître de mes choix pédagogiques, dans les conditions matérielles qui permettent de travailler. Et je refuse donc de devenir l'otage d'un costume de héros ou de martyr, taillé pour moi par des aventuriers de la politique sans jugeote, sans cœur et sans principe. Ces faux amis qui ne savent qu'encenser des profs morts et mépriser des profs vivants. Voilà, c'était donc ça, le texte écrit par Pierre Thévenian, paru sur le site de des mots sont importants, lmsi.net. Je vous conseille d'aller le voir en ligne, si vous pouvez, parce qu'en fait, il est, une fois de plus, comme la plupart des lectures que je fais, il est rempli de liens qui mènent vers d'autres vers d'autres aspects évoqués dans le texte et qui sont intéressants à aller voir aussi. Et ça va faire une longue lecture, mais il y a un autre texte, un plus court, hein, que je souhaitais vous lire. Et qui est paru sur un blog de Mediapart. Je bois un petit peu parce que je ne voudrais pas repartir dans une quinte de toux. Il est donc paru sur un blog de Mediapart. Vous savez, les fameux billets de blog mis à l'index par Darmanin, qui a tweeté assez perfidement qu'il portait plainte contre le blog de Mediapart et non pas contre un billet en particulier, laissant sous-entendre qu'il attaquait directement Mediapart pour faire jubiler les ennemis de Mediapart. Bref, voici donc un texte publié par Alexis Dayon, je pense que ça se dit comme ça, et qui s'intitule « Toi qui m'appelles islamo-gauchiste, laisse-moi te dire pourquoi le lâche, c'est toi. » Depuis quelques jours, tu as donné le ton, un collègue a été atrocement assassiné, comme lui, j'enseigne à l'EMC et vendredi, je me suis vue à sa place. Toi, il ne t'a pas fallu une heure pour que tu sois sur tous les réseaux, toutes les ondes, à scander. Toi, tu es brave, toi, tu nommes l'ennemi, moi, tu m'as tamponné d'un railleur, pas d'amalgame. Et depuis, je suis le lâche, mais le lâche, c'est toi. On t'a dit et redit que la formule appartenait à l'extrême droite, qu'elle était le décalque exact du judéo-bolchévique brandi naguère par les pires gens pensables. Ça ne t'a pas arrêté. Combien moins ça t'arrêtera, maintenant que l'expression saute de bouche en bouche sur toutes les lèvres de la République, de Bernard Cazeneuve à Marine Le Pen, en passant par Jean-Michel Blanquer ou Manuel Valls. Ça y est, c'est s'est entérinée. Le mot porte le sceau de l'officialité. Et c'est ce que doit exiger de s'armer d'une bravoure immense que de parler comme toutes les bouches sur tous les canaux où des bouches parlent. Prenons donc le mot puisqu'il est adopté. L'islamo-gauchisme, c'est ta création. Il n'y a pas grand doute à ce sujet. Tu me compteras au nombre des islamo-gauchistes. La vue d'une mère d'élèves voilée ne m'emplit d'aucun effroi, ni non plus celle d'un voile porté par une femme dans la rue, à la plage, ou en train de faire son jogging. Les rayons halal ne me paraissent pas être la succursale du terrorisme, et la dénomination même que tu aimes tant employer, tu sais, ton fameux « problème de l'islam », me paraît scandaleuse. Parce que je n'aime pas qu'on dise à 5 millions de mes concitoyens 50 fois par jour que leur existence est un problème. Bref, je coche toutes les cases. Je suis un islamo-gauchiste. Enfin, il paraît. C'est toi qui me le dis. Ce mot, c'est toi qui m'en affuble. Moi, je me sens islamo que dalle. Moi, les musulmans en tant que tels, j'en pense à rien. J'en ai rencontré, hein, des éclairés, des rétrogrades, des ponts, des villes, dès que je compte pour des amis, et d'autres que j'aurais du mal à supporter, ne serait-ce que le temps d'une conversation, comme partout, comme avec tout le monde en fait. Les communautés, en règle générale, je n'en pense à rien. C'est à peine si je sais que ça existe, et généralement, quand ça existe, je crois que c'est surtout parce qu'il y a des gens comme toi pour dire ces gens-là, qui ainsi assignent des individus divers, à une catégorie unique, et qui, par l'acte même d'assigner, produisent chez ces individus une communauté réelle de conditions et d'intérêts qui est de devoir réagir à l'assignation. En un autre temps, déjà, Jean-Paul Sartre expliquait que c'est l'antisémite qui, en décidant qu'il y a une question juive, fait le juif. En ce qui me concerne, je ne me compte que des citoyens, des concitoyens dont je voudrais qu'on respecte les droits, qu'on leur foute la paix, qu'on arrête de leur demander de rendre des comptes pour des actes qu'ils n'ont pas commis, ou décréter que leurs paroles et leurs actes ont un autre sens que celui qu'ils revendiquent. Un peu comme quand une femme porte un voile parce qu'elle dit que c'est sa façon d'aimer Dieu et que toi, tu décrètes qu'elle le fait pour affirmer sa soumission aux hommes parce que tu en as décidé ainsi. Et que, puisque tu en as décidé ainsi, alors que toutes les femmes voilées font la promotion politique du patriarcat musulman, et que toi, très sensible à la domination du patriarcat, surtout musulman, tu es donc légitime à ouvrir la chasse générale aux femmes voilées. En sortie scolaire, provocation à la plage, provocation au rayon de course à pied chez Decathlon, provocation à la télévision dans un tutoriel de cuisine, provocation, allons droit au but, pour toi, c'est leur existence qui est une provocation. Que t'ont-elles fait? Les femmes qui portent le voile par leur existence même t'offensent. Et toi, tu ne supportes pas l'offense. Tu as cela de commun avec celui que tu crois être ton ennemi, alors qu'il est bel et bien plutôt ton reflet. La loi dit qu'elles ont le droit. Mais soyons honnêtes, tu t'en moques qu'elles aient le droit. Et tu t'en moques de la loi. De nous deux, toi le fier défenseur de la laïcité et des principes de la République, et moi le vil islamo-gauchiste, ce n'est pas moi qui veux refaire la loi de 1905 à ma sauce ou qui propose de réviser la Constitution. Et ce n'est pas moi qui veut mener une purge dans l'observatoire de la laïcité. Moi, la loi de 1905, elle me convient parfaitement. Nicolas Cadenne, qui s'applique à faire valoir avec rigueur d'esprit et la lettre de la loi, en rappelant chaque fois qu'il le faut, et il le faut si souvent, que le principe de la laïcité n'est pas la chasse ouverte aux musulmans, mais le principe garant de la liberté de culte et de la neutralité de la puissance publique. Il me convient parfaitement. Toi, en revanche, tu as décidé de travestir la laïcité en ce qu'elle n'est pas, et d'en faire un principe de discrimination anti-musulman. Et quand, texte à l'appui, on te rappelle que ce que tu dis, ce n'est pas la laïcité, que ce que tu dis n'est pas la loi, ta réponse, c'est de dire que dans ce cas-là, tu vas réécrire la loi. Réécrire la loi parce qu'elle ne te convient pas, parce qu'elle ne te permet pas d'asseoir ta loi comme toi, tu l'entends. Mais qui donc est le séparatiste? La vérité, c'est que la vue d'une femme portant le voile, la vue d'un rayon halal, la vue d'une marche dénonçant l'islamophobie, t'insupporte. La vérité, c'est que l'existence de ces gens-là, pourtant tu la vois, ou t'effraie, parce que pour toi, être musulman, c'est déjà en soi un signal faible de radicalisation. Ou t'offense, parce que tu es chez toi et que eux sont en trop. C'est bien cela? La vérité surtout, c'est que tu supportes mal l'offense. Vois-tu, les leçons de MC que je dispense à mes élèves, comme Samuel Paty, semble-t-il, dispensait les siennes. Ces leçons font grand cas de la notion d'offense, chaque fois qu'il est question de vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, c'est avant tout vivre avec des gens différents. Des gens qui ne conçoivent pas identiquement ce qui est vrai, ce qui est sage, ce qui est beau, ce qui est bien. Et que c'est pourquoi, avant tout bien, avant toute beauté, toute sagesse, toute vérité, ce qui en premier lieu est juste, c'est de réaliser un état politique du droit et des rapports sociaux qui permettent à chacun de réaliser son existence selon l'idée qu'il s'en fait, pour autant qu'il ne m'interdit pas de réaliser aussi la mienne. Quand bien même sa conception de l'existence me serait offensante. Et c'est pourquoi dans mes leçons de MC, je transmets l'idée que vivre libre, ça commence par tolérer que la liberté d'autrui m'offense. Qui sait, peut-être finirai-je moi aussi assassiné pour cela. Peut-être sera-ce par un athéiste parce qu'un intolérant religieux aura hurlé en ligne contre une caricature que j'aurais diffusée. Peut-être sera-ce par un fasciste parce que toi, oui toi, tu auras hurlé en ligne contre une séance trop islamo-gauchiste à ton goût. Peut-être m'auras-tu traité de collabo et un fou furieux se sentira-t-il de se faire la fibre d'un résistant, entre guillemets, en saisissant une arme à feu. Toi, comme l'intolérant religieux, au fond, vous avez cela en commun. Vous supportez si mal l'offense. À mes yeux, tu es son reflet. Vous faites, à vous deux, une espèce d'hydre à deux têtes. Ton intolérance et la sienne sont strictement symétriques. La sienne prépare le terroriste intégriste, la tienne prépare le terrorisme d'extrême droite. À la fin, les deux prennent les armes, et cette guerre, c'est votre œuvre commune. Pour ma part, je n'aurai pas de préférence entre telle ou telle brute. Et je me moque bien de savoir au nom de quelle intolérance me tuera la brute qui me tuera. Alors à toi comme à lui, qui tenait tant à distinguer entre nous et eux, comptez-moi parmi eux. Le 10 novembre, le 10 janvier, si seulement tu savais regarder, c'est tout un. J'en oublierai presque de confesser parmi mes crimes celui qui sera inexpiable à tes yeux. Le 10 novembre 2019, j'étais dans la rue après qu'un homme d'extrême droite avait ouvert le feu à la sortie d'une mosquée. Et je participais alors à cette marche contre l'islamophobie que tu as tant honnie. Tu sais bien, celle que tu as unilatéralement rebaptisée marche de la honte, marche des islamistes, etc. Il paraît qu'il y avait des gens peu fréquentables, ça et là dans le cortège. C'est bien le premier cortège de ma vie où l'on m'a tenu responsable de ce qui s'était retrouvé dans le cortège plutôt que du mot d'ordre au nom duquel le cortège défilait. Où tu risques de ne plus bien comprendre et de te dire que je suis au mieux un crétin, au pire un hypocrite, c'est quand je t'avouerai que le 10 janvier 2015 aussi, j'étais dans la rue pour une autre marche, celle pour Charlie. Ce doit être inconcevable. Tu dois être en train de te dire qu'on ne peut pas défiler avec les victimes et les bourreaux et qu'il faut choisir. Il est vrai qu'à tes yeux, les musulmans qui demandent simplement de ne plus être la cible perpétuelle d'une passion collective haineuse à travers tout le pays, c'est déjà le camp des bourreaux. Pour toi, c'est eux contre nous. Et mort au réel si le réel n'entre pas dans cette dichotomie grossière et dans ta rhétorique de guerre civile. Les terroristes ont remporté cette victoire sur ta conscience. Pour ma part, le 10 novembre et le 10 janvier, tout ça me semble tout un. Je veux vivre dans un pays où les caricaturistes puissent caricaturer, les croyants assister à leur culte sans que des meurtriers ne leur tirent dessus. Cela me paraît d'une simplicité enfantine. Mais ces temps-ci, plus rien n'est simple, plus rien n'est enfantin. Le poison a tout envahi, le racisme a pris possession des lieux, le pénisme est devenu le maître étalon de la pensée dans le discours public. Il a revendiqué pour lui le camp des victimes, attribué aux autres celui des bourreaux. Et il vient exiger de ceux qui ne plient pas qu'ils rendent des comptes. Le jour où le crime se pare des dépouilles de l'innocence, par un curieux renversement, c'est l'innocence qui est sommée de fournir ses justifications. Écrivait Albert Camus. Le tournant raciste décomplexé de la société française, c'est, en plus d'une injustice, une victoire que tu concèdes à ceux dont tu te prétends l'ennemi. Daniel Obono, Jean-Luc Mélenchon, Edouard Pénel, Rokia Diallo et tant d'autres encore. Nous voilà donc repeints en lâches ou en complaisants, quand ce n'est pas carrément en complices des atrocités terroristes. De là à dire que, parce que nous ne pensons pas que la solution rationnelle au terrorisme soit d'organiser un grand jeu de suspicion en national à l'égard des musulmans, nous ayons nous-mêmes armé le bras des tueurs, il n'y a qu'un pas que Pascal Bruckner franchit gaiement en plein plateau de télévision. Plus largement, du haro mis par le ministre de l'Intérieur sur les rayons halal des supermarchés aux logorrhées délirantes d'un Jean Messia, Elisabeth Lévy, Pascal Praud, Nadine Morano, qui appellent à la restauration des bagnes, l'abandon de l'état de droit qui nous désarme, l'interdiction des prénoms à consonance étrangère, il apparaît clairement que, en cette période difficile, le camp de la raison et de la mesure, c'est le vôtre. Il serait pénible de me lancer dans une recension des crimes d'aberration raciste accumulés depuis vendredi. Il se trouve que Samuel Bontier sur Télérama en a recensé quelques-unes. Mais on en est là. Un assassinat terroriste a déjà été commis contre un professeur qui enseignait la liberté. Et la réaction dans tout le pays consiste, au lieu de camper solidairement sur le droit de combattre l'intégrisme et le terrorisme avec l'arsenal juridique qui le permet déjà, à perdre la raison, à renoncer aux libertés publiques, à envisager d'adopter des lois d'exception ou de modifier la Constitution pour n'avoir pas à être tenu par nos propres règles de droit et partout, tout le temps, à jeter un soupçon général sur nos concitoyens musulmans. De façon un peu égoïste, presque mesquine, je pourrais me dire, moi qui suis chrétien, que si je tolère que ce traitement puisse être réservé aux musulmans de ce pays, alors je consens implicitement, et en principe, à ce qu'un jour, peut-être, me soit réservé le même sort en tant que chrétien. Mais soyons sérieux. Je sais très bien que moi, personne ne va m'embêter. Personne ne jettera sur moi le soupçon d'être un identitaire occidentaliste, promoteur de l'Europe blanche et de la chrétienté. Personne ne me demandera de me désolidariser des Anders Breivik de ce monde pour faire la démonstration que je suis un bon républicain. De façon moins mesquine, alors, nous sommes simplement en train de réserver à une fraction de la population un traitement injustifiable, de décréter sans cesse des règles ad hoc pour lui dénier ses libertés les plus légales, afin de suivre l'actualité de perpétuelles et oiseuses surenchères autoritaires. D'ores et déjà, lorsqu'il arrive que des élèves me le fassent remarquer tandis que je leur parle d'égalité de droit perché sur mon nuage de concepts, je n'ai rien à y répondre et j'ai honte. Et un jour, ce que je crois, c'est que notre pays se retournera tout entier sur cette période et qu'il aura honte. Enfin, il y a ceci. Et ceci, au fond, je suis sûr que tu le pressens. Ce reflet que tu prétends combattre, tu le nourris. Qu'un intégriste ait, par un acte de terrorisme, le pouvoir de faire éclore des milliers de fascistes, les derniers jours l'auront tristement démontré. L'inverse, le pouvoir du fascisme à faire éclore des intégristes, donc, n'est sans doute que le plus silencieusement, mais pas moins certainement, vrai. Que crois-tu au juste qu'ils sont en train d'accumuler entre eux, les gamins musulmans qui grandissent dans ce pays en entendant leur mère traitée comme une pestiférée quand elle les accompagne en sortie scolaire, en voyant leur père suivi par des regards suspicieux des Gérald Darmanin et des Christophe Barbier au supermarché lorsqu'ils passent par le rayon halal, quand ils entendent que la quasi-totalité de la sphère politique utilisait le nom de leur religion comme insulte, servant à disqualifier l'opposition de gauche radicale. Que crois-tu que tout cela puisse faire grandir en eux, sinon une colère sourde? Moi, en tout cas, à la seule idée que, née d'une autre famille, j'aurais pu avoir à subir cela, je sens la colère sourde. Quelqu'un qui a à vivre tout ça t'en parlerait sans doute mieux que moi. Une amie musulmane qui n'a jamais d'autres mots à publier que des mots empreints de bonté et de délicatesse m'écrivait hier. J'ai l'impression que depuis vendredi, on me tient par la gorge. Je ne reconnais plus le monde qui m'entoure. J'ai envie de redevenir enfant. cela seulement pouvait suffire à te donner une bonne idée du mal que tu fais. De petits séparatistes, c'est toi qui es en train d'en fabriquer, en ce moment même, car ta rhétorique sépare sans cesse. Ton ennemi juré, ton reflet, l'intégriste, ne rêve que de ça. Tu te crois inflexible, mais tu lui concèdes tout. Tu es en train de faire le travail pour lui. Tu instilles son poison. Ton poison, c'est le même. Et de ceux dont tu n'obtiendras pas la haine, tu gâches juste la vie. Alors le lâche, vois-tu, c'est toi. Voilà, donc c'est la fin du deuxième texte. Je me permettrai d'ajouter, j'espère qu'il y aura un texte un peu conséquent là-dessus, que dans ce temps politique ultra violent, il y a eu en plus une agression raciste dimanche soir contre deux femmes dans un groupe, et au prétexte d'une altercation au sujet de la tenue ou non en laisse d'un chien. Deux femmes ont agressé deux autres femmes, dont une voilée, dans un groupe donc de femmes et d'enfants. Et qu'il a fallu plus de 48 heures pour réussir à faire remonter cette agression raciste, à la dénoncer, et encore faiblement, elle est minorée partout. Que les médias commencent à peine à en parler, et que ça a été ultra violent à vivre, et que je n'ose pas imaginer dans quel état est la communauté musulmane. Enfin, c'est tant qu'il y ait une communauté, effectivement. Mais voilà, je suis vraiment super désolée. Je ne sais pas trop quoi faire. Je crois qu'on est très nombreux comme ça à être soit silencieux, soit atterrés, soit en plus au milieu de plein d'autres urgences tout aussi violentes, difficiles. Je présente vraiment toutes mes excuses auprès des personnes que je pourrais aider, que peut-être je me rends pas compte que je pourrais aider. Je sais pas. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui se passe, et j'espère qu'on trouvera des solutions ensemble, et surtout qu'on continuera à apprécier toutes nos différences qui font tellement, tellement du bien. Voilà, c'était donc deux lectures en hommage à un prof qui est en train de se faire insulter depuis sa mort, de tous les côtés. Enfin, voilà. Je suis désolée.